Veni, Veli, Vici, cette semaine on a maté Vercingétorix, aléa Jacques Taest. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Vercingétorix de Jacques Dorfman. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Greg. Bonsoir. Et Mickaël. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Ah. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Vercingétorix de Jacques Dorfman, sorti en 2001 de 122 minutes avec Christophe Lambert, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow et Vincent Moscato. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait terriblement à ça. Vous voulez vous battre? Vous voulez vivre pour toujours? Alors suivez-moi! Maintenant un ennemi. Quelqu'un qu'il aurait bien mieux valu avoir comme allié. Voilà, voilà, 122 minutes de ça, hein. Si vous avez entendu, c'est à peu près le film. Non, ça serait bien que ce soit 122 minutes de ça. Le problème, c'est que les batailles, on les voit pas, enfin, vraiment ça, quoi. Moi, j'ai une question, parce que j'ai vu à l'origine sur Allociné que ça durait 2h20, et j'ai vu des commentaires qui disaient que ça durait 2h20, et par chance, merci mon Dieu, moi, je suis tombé sur une version de 2h. Merci. Ouais, moi aussi, 1h57. Ouais, 1h57, ouais. Moi aussi, ouais. Mais je pense qu'ils ont dû brûler. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y a un moment de 2h20, je pense. Oui, on va les faire disparaître, ouais. J'aimerais vraiment voir les scènes coupées pour le coup. Ah bah pour le coup. Hein. Bon, j'ai pas pu faire ma petite phrase. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs dames? Je commence par Julie. Bah, dis pas que t'as aimé pour le coup. Non. Tu te tais, c'est Julie maintenant. Non, il se trouve que j'ai vraiment pas du tout accroché à ce film, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis vraiment ennuyée, j'ai trouvé ça assez mauvais. Cependant, j'ai été agréablement surprise par la perruque de Christophe Lambert que je trouvais très drôle. Voilà. Ouais, son moustache aussi. Hein. Ouais. Mmh. Bonne comédie, son en fait. Son strabisme aussi. C'est... pour un chef qui incarne, tu vois, un chef qui réunifie la Gaule, un strabisme, pour le charisme, c'est toujours très bien, quoi. Et aussi, un gros front de trisomie. C'est quand même, il accumule tous les trucs qui séduisent les Gaulois. Et il est coiffé comme l'as de pique aussi. En termes d'or. Oh là là. Par contre, je me suis posé la question, Mickaël, est-ce que t'es passé à la bibliothèque, du coup? Ouais. Bonne surprise, je suis tombé sur 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je me souvenais pas que c'était aussi drôle. Tu allais nous dire que t'étais tombé sur Gladiateur. Et c'est marrant, je pensais que t'allais nous dire que t'étais tombé sur Astérix et Astérix Mission Cléopâtre. C'était quoi? Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Je connais pas ça. Non, tu connais pas? Greg, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, ça me dit rien. Bah ouais, c'est long, c'est chiant, c'est mal fait, c'est... t'apprends rien en plus, c'est un film historique et en fait tu retiens rien, quoi, tu vois, c'est-à-dire que on sait pas grand-chose sur Vercingétorix. On sait qu'il a paumé la vraie histoire, hein, parce que qu'il a rendu les armes à la fin et c'est le seul truc dont tu te rappelles à la fin du film, quoi, tu vois. C'est vraiment d'ailleurs est dans la bande-annonce, parce que moi j'avais jamais vu ce film, mais j'avais vu la bande-annonce quand j'étais gamine et je me souvenais de comment ça finissait alors que je n'avais pas vu le film. Donc attends, moi ce que j'avais pas compris en plus, c'est que c'est un film de 2000, mais quand j'ai tilté après parce que j'ai regardé, je pensais que c'était 88, quoi. Moi aussi, en fait. Non, mais la couleur de l'image, tout. Ouais, et après, ouais, ça, je me suis dit, putain, attends, il a un an de plus que Gladiateur, c'est impossible. Non, il a un an de moins, parce que je crois que Gladiateur s'en inspire, il me semble. Ouais, c'est sûrement ça. C'est un remake, non? Oui, c'est ça. Non, mais là, par contre, c'est tout à fait assumé. Hein. Ridley Scott, il dit I've seen a version of the Torix many times. Decided to make a Gladiateur afterwards. C'est un extra audio que je viens de passer, c'est même pas moi. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Non, bah je te dirai pas mon avis parce que tu m'as grondé tout à l'heure quand j'ai voulu couper. Allez, Julie. C'est bon, reprends un peu de citronné. Bah écoute, je pense que je vais pas trop déroger à la règle, hein, générale de ce soir. Hein, j'ai trouvé que c'était de la merde. Bon, bah c'est très bien. Globalement. Alors, et toi, Antoine? Et figurez-vous que j'ai trouvé que c'est sans doute un des pires films que j'ai vu de ma vie. j'ai d'office, je suis parti sur un 1,3 en vitesse. tout de suite. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Ah ouais. Alors, là, ceci dit, vu le nombre de ralentis, en fait, tu l'avais en vitesse normale. Oui, ah, oui. C'est vrai qu'il y a des ralentis. Et en plus, c'est des ralentis saccades. C'est-à-dire que une fois repassé à l'accéléré, ça ressemble même pas à une scène normale. Enfin, bref, ce film était un enfer. Les couleurs sont tristes, les acteurs sont tristes. On a l'impression qu'il y a que deux acteurs. L'histoire, elle est. L'histoire, elle est mal ficelée. Tu pouvais faire un truc bien avec. Et alors le casting, enfin. Oui. Christophe Lambert, mais c'est une catastrophe. Et en plus, moi, j'ai passé la moitié du film à me dire. Et j'ai trouvé la réponse que je suis allé la lire après. Est-ce que ce film est en français ou est-ce qu'il est en anglais? Et il a été doublé parce que je reconnaissais un milliard d'acteurs de doublage et il y a des scènes, j'en suis persuadé, qui sont tournées en français. Oui, et oui. Moi, je peux dire parce que sur les lèvres, à ta question avec sur les lèvres, sur les lèvres, on arrive, enfin, ça correspond au français sur certaines scènes. Sur certaines scènes. Et j'ai reconnu plein d'acteurs de doublage et du coup, il y a plein de trucs où je me disais putain, mais des fois ça colle pas. Enfin, je reconnais. Et en fait, je suis allé voir, il a été tourné dans deux langues. Il a été tourné dans deux langues, donc à chaque fois, il refaisait les scènes dans une autre langue. Mais enfin, c'est l'enfer. D'accord, mais ça te double toutes tes prises. Enfin, c'est donc, genre, ça, c'était ta seule anecdote sur. Non, en vrai, j'en ai d'autres. Comme le fait, par exemple, qu'il ait reçu 3 bidets d'or en 2001, pire film, pire acteur et pire réalisateur. Voilà. C'est bizarre. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a César qui parle, on voit sur ses lèvres que c'est de l'anglais, et des fois, t'as Lambert qui parle en français, et même des fois, t'as Lambert qui parle en anglais, quoi. Alors, Moscato en anglais, j'aimerais bien voir ça quand même, hein, pour le coup. T'imagines l'enfer pour les monteurs en plus, enfin, genre, Non, mais surtout qu'ils ont pas tourné toutes les scènes deux fois, il y a certaines scènes qu'ils ont doublées, certaines scènes qu'ils ont dû retourner. Non, mais c'est complètement con, quoi. Moi, je pense qu'ils ont tout tourné deux fois, et qu'après, ça se trouve, il y a des prises qui étaient meilleures en anglais ou peut-être meilleures en français, et qu'à chaque fois, selon le choix que tu faisais, ben, c'est les meilleures prises que moi j'ai vues. Max Van Sydow part pas français de toute façon. Bah non. Ouais. Et voir Max Van Sydow sur le même casting que Vincent Moscato, c'est quand même un bon début quand même. C'est beau. Hein. Chapeau. Comment s'appelle le réalisateur, juste pour mémoire. Jacques Dorfman et son dernier film, c'est Versailles. Alors, qui résume l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire de Vercingétorix. Donc, il est petit et, et après, il est grand et il va réunir les Gaulois et il va se battre contre César. Et à la fin, il va perdre contre César et il va mourir à Rome. Alors, voilà. Il va perdre alors qu'il était vraiment hyper proche de la victoire. J'étais vraiment super déçu. Donc, ça, c'est la vraie histoire. Hein. Je m'attendais pas à la fin, moi, tu vois, pour le coup. Il gagne une première victoire quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est 1-0 et après il faut même pas la belle. Alors le film s'ouvre. Alors déjà il y a une grosse ambiance avec un titre en 3D et des comètes. Mais moi j'ai marqué le cinquième élément point d'interrogation déjà pour ce générique quoi, avec une planète de feu exactement comme le début du cinquième élément quoi. Système solaire en 3D qui va s'enchaîner sur un petit moins 60 avant Jésus-Christ, où on voit des druides. On passe directement de la création de l'univers à moins 60 avant Jésus-Christ. Donc on... Au Cucuxlan, quoi, même. On a que 2 heures. Ils sont tous en blanc avec des espèces de capuches bizarres. On n'allait pas commencer depuis la nuit des temps, parce que. vu ce que ça donne, les Romains, là, je vais même pas voir ce qu'il veut, sa vision des dinosaures au gars-là. En tout cas, c'est une ouverture qui est vraiment très très fine, parce qu'on a des druides qui disent. Un héros doit arriver. Et il parle tout le temps de destinée et de héros qui doit arriver. Donc, ça, franchement, ça fait vraiment une bonne intro. C'est très très fin. Et surtout, je spoile pas, mais c'est vraiment l'arrivée la plus médiocre qui soit de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que. Il y a l'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui est mon film référence, vous avez remarqué. J'en parle au moins une fois par podcast. Il y a ça, et après, il y a Vercingétorix. Il y a rien entre. Est-ce que ce réel, c'est pas un peu notre Terrence Malick à la française, j'ai envie de vous demander. Si, c'est ça, je pense. Ouais. Il a pas reçu de Palme d'Or, d'ailleurs, je pense. Bah, si. Ouais. Le bidet d'or et la Palme d'Or. Le bidet d'or. Alors, Vercingétorix enfant, qui est déjà une gueule de con enfant. Ouais, insupportable. Il traîne avec une meuf qui est vraiment trop pas gauloise, quoi. C'est-à-dire que toutes les gauloises du film, elles sont un peu fat, genre Nibar à l'air, rouquine, comme c'est pas possible. Nibar à l'air. Et là, c'est genre, tu vois, la belle plante latine et tout, mais d'où elle sort, la belle plante latine, je te rappelle qu'elle a 4 ans, hein, quand même. Fais attention, Antoine. Non, mais c'est vrai que dès le début, le petit Lambert, il est hyper arrogant, mais en même temps généreux parce qu'il donne son cheval. Et avec la petite, là, c'est vrai que ça pue l'amour éternel dès le début, quoi. Non, donc on sait qu'elle va revenir, quoi. Et en plus, c'est des enfants qui parlent comme des adultes, qui se draguent comme des adultes. Ils n'emploient pas du tout des. Enfin. Et même des dialogues. Non, mais c'est vrai, quoi. On dirait vraiment qu'ils sont bien dans Non, mais c'est vrai qu'ils ont des discussions d'adultes parce qu'ils parlaient de l'assurance tout risque à un moment et comment trouver une crèche pour l'enfant. Moi, ce qui m'a fait marrer, il y a un détail qui est quand même assez drôle, c'est qu'en fait, alors il rencontre un druide Je pensais qu'il était tombé de l'arbre. Le mec, en fait, il fait juste une sieste dans la forêt. Et puis, lui demande « Tu viens pour le 1er mai ?» Et alors, c'est cool. En plus, il cueille du muguet, c'est dans la forêt. Et je me suis informé sur la fête du travail, la célèbre fête du travail. Et en fait, elle a été créée au 18e siècle, en 1793. Donc, il a juste 2 millénaires d'avance. Petit précurseur, c'est drôle. Petite erreur. On a le droit à une table ronde dans une grotte. On est une scène de trahison où le père de Christophe Lambert, le père de Vercingétorix, qui était un peu c'était le pseudo chef du coin, c'était plus Camelot que Game of Thrones là pour le coup, va se faire tuer et on a le droit à un formidable bûcher au ralenti qui était lui-même au ralenti à 1,30 en vitesse, donc il doit être vraiment méga ralenti. Ouais, avec de la musique. La musique, elle est bien trouvée avec les batteries électroniques et tout. Ça va très très bien. Ah oui, gros score. Et d'ailleurs, tu sais, passer en 132 vitesses, ça faisait un peu des beats de rap. Ouais, moi aussi, ça m'a fait ça. Lambert, il voit, on va l'appeler Lambert. Il voit que du feu. Sinon, on va pas comprendre. Ouais. Lambert, il voit son père mourir et bon, bah. Ellipse par le feu, vous avez vu? Ouais. Bah oui, mais c'est surtout ellipse, mais envie de vengeance. Envie de vengeance. Alors, je comprends qu'il soit plein de haine puisqu'il a les cheveux de David Bowie, une méga moustache et un méga front. Les cheveux de David Bowie dans Labyrinthe même. Dans Diamond Dogs un peu. Oh, putain, la gueule qu'il a. Ben, en fait, alors c'est marrant parce que ce film, moi, ça m'a rappelé mon album Panini des années 80, quoi. Toutes ces gueules de Chris Waddle, quoi, avec les moustaches, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'il y a trois anciens rugbyman qui figurent au générique. Il y a Denis Charvet pour les connaisseurs, Vincent Moscato et Jean-Pierre Rive. Voilà. Moi, je ne les connais pas, mais peut-être qu'un auditeur les connaîtra. Si, on les voit. Hein. Moscato est sur RMC maintenant. Ouais. Voilà. Si, on les voit. Fait le Moscato show. D'ailleurs, quand j'ai vu Moscato, parce qu'il arrive après dans le film, je vois Moscato, j'ai mis pause, j'ai fait attends, c'est Vincent Moscato ça. Et comme je pensais que c'était un film de 1988, je me dis putain, mais quand est-ce qu'il a commencé sa carrière? Le gars, il est déjà dans un film de 1988, tu vois. Ah, il faut savoir. Donc j'ai cherché, et donc j'ai vu Moscato vraiment dans Vercingétorix. C'est là que j'ai compris que le film était de 2001. Il faut savoir que là pour le coup ils sont raccord avec l'histoire. Hein. Il faut savoir que l'accent du sud-ouest existait déjà. Ah oh bah ça c'est la Gaule. Hein, tu sais. Bah ouais. Et alors il va rencontrer, alors ça c'est pareil, catapultage total, une femme druide qui va lui enseigner l'art du combat, comme dans Highlander finalement, sauf que. Sauf que c'est Céline Dion. Ouais, en plus. Bah. Putain, elle chante moins bien. Vous ferez gaffe, mais elle a un joli teint. Hein. Tu dois avoir du plaisir à combattre. Regarde-moi. Apprends mes gestes. Provoque ton adversaire. Devine-le. Anticipe ses mouvements. Incite-le à oser. Capture sa rage et fais la tienne. Mène le jeu. Si tu sais ce que tu veux, ton adversaire le voudra aussi. À toi, vas-y. Pour ne faire qu'un avec ton glaive, tu dois vider ton esprit de tout désir. Et quand j'y serai arrivé, est-ce que j'aurai goutte de ton sang? Quand tu y arriveras. Voilà. Pour ne faire qu'un avec son glaive, c'est la doubleuse de Sharon Stone qui nous dit ça. Mais c'est hyper sexuel. C'est très très sexuel. Alors si vous avez vu le film, savez que ça n'est pas du tout sexuel, puisque c'est extrêmement moche. J'ai jamais vu un combat d'épée aussi mal filmé et aussi moche. C'est vraiment terrible. Attends, quand même, moi je respecte vraiment cette scène parce qu'elle est en train de lui faire un entraînement de Jedi, parce qu'elle a des termes de Jedi ou d'Highlander. Hein. Ouais, c'est quand même hallucinant. Moi je comprends pas pourquoi toujours dans les films, Julie, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Tu sais, quand ils font l'entraînement, c'est toujours ultra violent, ils prennent tous les risques et franchement, quand tu t'entraînes, t'as toujours l'impression qu'il y en a un qui va mourir parce qu'ils mettent vraiment toute leur force. Et en fait, ça n'arrive jamais. Pourquoi est-ce que dans les films, quand ils s'entraînent, c'est trop si violent? Peut-être pour rajouter une tension à la scène, je ne sais pas. C'est une petite astuce de mise en scène. Antoine qui est préparateur physique, qu'est-ce que tu en penses? Bah en même temps, ce serait vraiment très long de montrer tous les mouvements. Alors on va commencer avec un bâton. Hein. Alors échauffement déjà. On échauffe les poignets. Non, avec les. Ouais, si tu mets les étirements. Les petits tours de piste. Le stretch. Certificat médical du druide. Non, après, c'est vraiment trop long. Hein. D'ailleurs, en parlant de druide, il y a un truc qui m'a fait marrer dans ce film. Il y a une réplique qui revient systématiquement. À partir du moment où t'as un personnage qui dit un truc un peu abscon ou qu'on comprend pas bien, au lieu de lui dire ta gueule, il lui dit tu parles comme un druide. C'est pas mal. Mais tu parles comme un druide. Alors après, incroyable chance hein, finalement, puisque Il va labourer un chemin vers Saint-Gétorix, on sait pas pourquoi, il passe des coups de râteau sur un chemin, et il y a César qui arrive tranquille. Non, c'est une route que les Romains font construire. Ils sont en train de faire paver une route, et il y a César qui arrive. Un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est que César n'a aucune sécurité personnelle, c'est-à-dire qu'il est toujours devant avec son armée. Il a même pas de casque, il va sur un chantier, il a même pas de casque. C'est un mec du peuple. Hein. Même plus tard, après, on voit qu'il est au cœur des combats, il se bat jamais. Mais il est toujours assis sur son fauteuil devant tout le monde, mais ce serait trop facile de l'assassiner, quoi. Le mec est toujours 100% disponible. Bah d'ailleurs, finalement, ça lui a pas trop réussi, hein, puisque quelques années plus tard, il va se faire un peu assassiner quand même par Brutus, non ? Oui, mais bon, c'était sur les marches de l'Opéra romain. Ok, les gars, tout le monde a vérifié la vie de Vercingétorix et de... Et alors, Vercingétorix rencontre César, il se tutoie cash. Ça, j'ai trouvé ça assez osé. Check, voilà. En fait, ça, c'est un autre truc aussi. C'est que pas de politesse. Hein, c'est... Le César, il est tellement pas charismatique que moi, j'avais pas compris tout de suite que c'était César. Moi non plus j'ai compris après. Quand quelqu'un l'appelle César, je fais « Ah, mais c'est César, lui, putain !» Et j'avais surtout, pas du tout il y a une discussion en disant « Ouais, tu sais qu'après, je vais retourner à Rome et tout. Là, je fais des campagnes. Ils sont sympas, les Romains. Bah, mec, t'es leur putain d'empereur. Hein, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors, il faut savoir que en fait, Jules César ne portait pas de couronne de laurier. Il portait une couronne de cheveux. Je savais, parce qu'en fait, il les remet tout en avant. Vous avez remarqué cette coiffure qu'il a aussi ? César était coiffé comme ça. Ça, ça a été prouvé. Hein. Ouais. Ah oui, au carbone 14. Ah oui, d'accord. Et alors là, il va se passer l'attaque de village la plus rapide du cinéma, puisque Vercingétorix va rentrer chez lui. Il va tuer son oncle en 2 secondes et il devient chef. Oui. Oui, ça lui prend comme un coup de fusil. Quelle mouche t'as piqué? Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attendez, mais vous l'avez vu ce truc-là? Il déboule, ils font « Oh, on t'avait pas vu depuis 30 ans !» Bam! Il met un coup d'épée dans son oncle. Et après ça, il fait « Je suis le nouveau chef !» Et tout le monde l'acclame, tu sais, c'est comme dans Gladiator. Ouais, c'est pareil, chef, ouais. Tu deviens un chef, quoi. Et mais surtout, la question, c'est bah, « Pourquoi tu l'as pas fait avant ?» Genre, ça y est, t'as vu prêt, César... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai une question. Vercingétorix, c'est quoi son nom et son prénom, en fait, du coup? C'est juste... Verse. Ouais, d'accord, ok. C'est pas ce qui me semblait. Mais Gétorix. C'est aussi le nom d'un médicament. Là, il n'y a pas de quickening quand il tue le. Non de quickening. Ouais. C'est le terme dans Highlander pour récupérer les pouvoirs de son oncle. D'accord. Ça, il n'y a pas. Bon, bah écoute, bon, on comprend pas du coup pourquoi il devient si fort après. Il hein. N'y a pas, mais apparemment, Jacques Dorfman voulait les mettre au début. Alors bon, on est d'accord qu'il a vraiment zéro street cred, hein, donc je comprends pas du tout comment il devient roi, je sais pas quoi. Ouais, bon. Bah le charisme, la perruque, que veux-tu. Bah, oui, alors là, il y a tout un truc que je vais pas expliquer parce que franchement, j'ai pas bien compris. Il y a une alliance avec Rome, il est censé attaquer les Germains pour lui, je sais pas quoi, et après ça, en fait, César, il va prendre en otage des enfants. Ouais. Ils veulent. Enfin, j'ai rien, surtout, bah, rien compris. Pourquoi on n'arrête pas de se demander pourquoi les Germains sont là, mais il y a. Est-ce qu'on découvre ça à un moment. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est qu'ils veulent prendre la Bretagne, parce que vous savez qu'il y a un célèbre village qui résiste là-bas. Et donc du coup, ils veulent l'aide des Gaulois pour pouvoir prendre la Bretagne. Et ils partagent avec les Germains d'ailleurs. Et en fait, ils veulent réunir toutes les armées, quoi. Oui, en fait, c'est juste pour... qu'ils profitent que les Gaulois soient pas unifiés pour. Pour les montrer contre eux-mêmes. Voilà. Bon, bref, c'est d'ailleurs ce que dit César, puisque dans une discussion, César précise à Vercingétorix que la Gaule, c'est un millefeuille administratif, qu'il y a beaucoup trop de petits villages et qu'il faudrait réunir ça dans plusieurs grandes régions. Bah, il faut centraliser. Ouais. Tu dis ça, c'est quand ils se font le petit dîner en face-to-face ? Oui, c'est ça. Et c'est là qu'ils créent les communautés de communes, d'ailleurs, entre les villages gaulois. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est toutes les punchlines. C'est-à-dire que c'est une punchline de César qui fait « Pourquoi pas un roi choisi par le destin ?» Et en fait, tout est fait. Toutes les punchlines du film sont faites sur le destin et le scénario et l'histoire qu'on connaît déjà. Mais en fait, c'est Christophe Lambert qui le dit. Et du coup, bon, c'est insupportable. Quoi. Et alors, du coup, César, je sais pas pourquoi, mais il va trahir. Non, en fait, c'est même pas lui qui le trahit. Bref, j'ai rien compris. Mais à un moment, César, il va avoir des otages. Bah oui, parce qu'il rentre dans le 4A, c'est ça. Puis il veut une subvention pour son armée. Je vais balancer du gaz VX sur toute la Gaule. Non mais il a des gamins en otage. Et du coup Vercingétorix, faut qu'il aille récupérer d'autres manos. C'est tout, on comprend que dalle. C'est vraiment très bizarre cette histoire de prise d'otage quand même. On a l'impression d'être dans un truc hyper moderne. Alors qu'en fait stop, n'avancez plus. Ou je crève les gosses. Et là il y a un truc. On apprend entre les lignes que César aurait fait tuer son père à Vercingétorix. Genre le mec introduit le scénar de Batman, tu vois. Genre son pire ennemi, c'est lui qui avait tué ton père. Non mais enfin c'est limite, tu vois, ouais, il avait bouffé tes frites au McDo quand t'avais 8 ans, tu sais, genre le truc de la pub. Il y a une différence quand même entre bouffer tes frites au McDo quand t'avais 8 ans et buter ton père. Non mais Antoine, je suis pas sûr que dans la vraie histoire, si c'est César les frites maison, tué le père de Vercingétorix. Si c'est les frites maison, alors là. J'aime bien les frites McDonald's. Alors, c'est la reprise de Gergovie, puisque là apparemment ça a été perdu, donc Vercingétorix il y va. Ça correspond à quoi Gergovie d'ailleurs? Parce que j'ai un peu oublié mes cours d'histoire de 6ème. Le Gers peut-être? Non, c'est en Auvergne. Enfin, en Auvergne? Non, mais l'autre il était en Auvergne. Ouais, c'est en Auvergne. Ouais. Bon, je fais les anecdotes ciné, hein, pas géographique. Bon, et alors, parce que lui, Vercingétorix, s'il arrive à Gergovie, ils font ouais, nous maintenant on est alliés avec César, toi je sais pas ce que t'as fait, mais t'as foutu le bordel, on veut pas être. C'est quoi les bails? Tu sautes. Et là, ils vont faire une infiltration. Parce que alors, ça, c'est vraiment cool. Dans un énorme film de guerre, il faut qu'il y ait une scène d'infiltration. Et infiltration avec les Nibars. Ça, c'est j'ai noté. Puisque la meuf va se foutre. En fait, ils vont se faire cramer. Et du coup, elle va montrer ses seins. Et le garde, au lieu de sonner l'alerte, va rester comme un con. Elle regarde. ça marche souvent. Ça, en gros, c'est des techniques pointues du MI6, hein, d'ailleurs. C'est ça. Une technique que je n'hésiterai pas à user durant ce podcast si un jour j'ai une situation d'urgence. Pas avec vous. Ah bah ça marche. Reprise donc en 2 secondes de Gergovie. Il est le nouveau roi. Ça c'est très rapide encore. Hein, mais toutes les bastons durent une demi seconde et mettent très très longtemps à se déclencher. Hein. Ouais, soit c'est efficace, ouais. Mais surtout que attends, moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que César il est tout le temps dans son petit camp. Donc il est un petit camp là, il est genre en vadrouille, il est dans camp mobile. Hein, on est comme dans Fast and Furious. Ouais. Hein, le camp de César, il peut se déplacer. Hein. Mais il est toujours, comme tu disais au début, il est toujours méga exposé. C'est-à-dire que son camp, t'as trois Romains autour. Si vraiment tu veux le désinguer, le César, bah t'y vas. Et lui il est là tranquille, genre ouais. Et puis la destinée, c'est comme ça. Toujours arrogant et toujours serein, César. C'est-à-dire que même aux portes de la mort, il fait eh bien sinon nous allons mourir. Bah mec, c'est pas marrant. Hein. Mais je crois qu'en fait, à un moment, il bouge pas parce qu'il me semble qu'il s'oppose aux constructions de Notre-Dame-des-Landes. En fait. Du coup, il reste avec son campement. Mais moi, après, je parle comme un druide. Vraiment comme un druide. Tu ne serais pas druide. Non, mais à un moment, il y a tellement peu de combats que moi, j'imaginais que le réalisateur, tu vois, il a fait bien 2 semaines de tournage. Il fait non, franchement, on a plein de rush et tout. Et en salle de montage, ils font putain, ça, c'est pas exploitable. Ça merde, on a 15 secondes. Mais ceci dit, avec tous les costumes, ça a dû coûter super cher en costume et tout. Il y avait plein de monde, on pouvait faire des belles batailles et tout. Et moi, j'aime pas ça, hein, j'avoue, mais au moins, il y a quelque chose en film. Bah, je dis ça, c'est pour les autres. Ah, je pense aux autres. Mais c'est surtout que d'ailleurs, il y a plus de 3500 costumes qui ont été réalisés en 4 mois pour ce film. Ouais. Donc, je crois que le budget principal, c'est les fausses moustaches quand même. Hein. Ouais. Je crois que même les femmes ont les fausses moustaches. Ouais, à un moment, on se demande. Ouais, t'as vu. Ouais. Alors, c'est la campagne de destruction avec le feu. Donc là, on comprend que Vercingétorix, il va remonter en Gaule, il va brûler plein de trucs. Ouais, en fait, il brûle tous les vivres pour pas que les Romains les récupèrent, pour les affamer. Il est smart. Ah non, mais malin. Et alors, là, superbe plan, puisque en fait, on voit des flammes de village en train de brûler et ça dézoome. Et en fait, c'est une espèce de torche au sol avec que César est en train de regarder et il y a un scorpion au milieu du feu. Bah, en Auvergne, il y en a beaucoup. C'est que fout ce putain de scorpion et pourquoi les Manos le regardent, genre regardez comme ce scorpion est coincé entre des flammes, la belle image. Mais qui à un moment s'est dit bon alors là on va faire du feu autour comme ça. Putain, César il va être super emballé par l'idée. Voilà, j'ai même le scorpion. Non, mais surtout le réalisateur devait être hyper barjot et un vrai tyran pour que personne lui dise t'es sûr là pour le scorpion là avec le feu. Ouais, je suis sûr. Non mais je crois qu'il me semble qu'Interflora ils font des cercles enflammés avec scorpion au milieu. Hein. Tu peux livrer ça. Hein. Mais globalement dans le film César il illustre toutes ses paroles par de la mise en scène. Par de la symbolique. À un moment il est devant une carte et puis il jette des trucs. Là, le scorpion, c'était bien. Et en plus, il fait des punchlines avec. Il va prendre une mauvaise décision puisqu'il va tuer tout le monde à Bourges. Ouais. Et ça, c'est un peu le bad move, puisque ça va un peu vénère les autres Gaulois. Bah, c'est contrariant quand même. Et alors, c'est pas très grave que ça vénère les autres Gaulois, puisque de toute façon, il y a que 2 acteurs, il y a que César et Vercingétorix. Il y a aucun autre acteur. C'est-à-dire que personne n'a plus de 3 répliques dans ce film à part ces deux-là, quoi. D'ailleurs, c'est le moment où il y a un soldat romain qui revient à César, qui boit du pinard et qui s'en fout partout. Oui. Il dit mais c'était une vraie boucherie. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de boucheries à Gergovie. Je sais pas pourquoi il utilise ce mot. Franchement, j'avoue l'anachronisme de ouf. C'est une vraie boucherie, Tu tri traiteur. Alors, c'est un vrai cybercafé. Et après, il ouvre les fenêtres. Alors, les Romains retournent à Gergovie pour foutre sur la gueule à Vercingétorix. Et alors là, la technique de défense, elle est imparable. T'as connu d'ailleurs. C'est on lance des poules et après on envoie des nanas qui montent leur nid. Je vais être le premier là-haut. Alors, je vais expliquer quand même ce qui se passe, parce que, en gros, les Romains arrivent devant Gergovie, qui est un fort en bois. Ils se mettent en position tortue avec les boucliers. Ils arrivent, on comprend qu'il y a vraiment des milliers de légionnaires qui se positionnent en face et qui vont les éclater. Et là, Gergovie reste absolument silencieuse et inactive. Et on voit des poules qui passent par-dessus les rambardes. Enfin, elles sont jetées, elles ne passent pas toutes seules. Ah bon? Tu fais très bien la poule. Et là, à partir du moment où il y a une dizaine de poules qui sautent, les Romains commencent à se désorganiser, mais à la chasse c'est à la poule. C'est quand même. Hein. C'est-à-dire que les mecs sont en formation d'attaque et tout, et là ils font « Oh, il y a des boules, gué, gué, gué !» C'est complètement débile. Surtout qu'ils en font quoi des boules? Une fois qu'ils échappent, ils les bouffent. Des boules C'est ça, ouais. Non mais putain, et alors le deuxième truc, c'est les nanas. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce truc-là? C'est important. Bah, c'est une technique de combat assez classique hein, oui, à l'époque. Oui, ouais. D'abord, jeter les efficace. Poules pour disperser les soldats, et après, montrer les femmes montrent leurs seins. Comme ça, bah, après, plus personne ne peut combattre. Petit souci avec ces histoires de seins quand même, hein, dans ce film réalisateur. Dépend, hein, un peu au stade ma mère. Les soldats, du coup, s'efforcent de faire des pyramides humaines pour monter voir les femmes. Alors. Alors, non, juste ils ont un pas d'arc, point... pas de flèche, pas de lance, que dalle quoi. Tu vois, pas ont... de feu. Ils ont leur glaive. Puis ils ne pensent pas une demi-seconde que ça peut être un piège, que si jamais ils montent au fort et qu'il n'y a pas juste des nanas avec les seins nus, il y a peut-être des guerriers derrière. Non, mais ils se méfient de rien. Mais surtout, la scène d'après, ils ont 1 milliard d'arcs et ils vont les éclater. Là, pourquoi ils tuent pas les nanas en 2 secondes? Ils ont leur arc quoi. Bien tendu. Enfin, blâmons plutôt. Ah, ça suffit hein. J'ai déjà rien dit la première fois, mais là, ça suffit. On va pas en faire deux, tu vas continuer. Après, tu vas dire qu'ils ont baisé. Hein oh, bah déjà l'autre fois, hein. Bah attends, il y en a. Les Romains, ils veulent faire la chose. Même les Romains. Parce que les filles montrent leur plastron. Voilà. Non mais par contre là, il faut vraiment blâmer le réalisateur parce que là, il a inventé que ça. Là, mais tu penses. Non mais enfin surtout là, quoi. Je veux dire, c'est quoi cette histoire là? Là, c'est pas une simple erreur. C'est qu'il est con. Il est vraiment. Non mais là, il est vraiment con. Il vient de gâcher son film qui était déjà nul. Mais en faisant ça, mais même le seul prof d'histoire à la con qui aurait pu dire bon. C'est pas terrible, mais en même temps, c'est fidèle. Il fait ah ben voilà, c'est moi qui suis rasoir, je trouve ça nul aussi. Quoi. Alors, j'aimerais juste faire un petit point démographie sur les Gaulois, surtout. En fait, visiblement, tous les Gaulois sont vieux, sauf les Gauloises qui sont jeunes. Et du coup, c'est pas si étonnant qu'ils aient perdu la guerre finalement, parce qu'ils ont tous plus de 85 ans. Alors, après, il y a une bataille, et je sais pas si vous avez remarqué, mais. Il y a des enfants en plein milieu de la bataille avec des arcs et des ils flèches. Ils avaient plus de figurants. Non, mais genre, ils ont 10 ans, mais tu sais. Genre, mais... Ah ouais, putain, ils sont vraiment désespérés, là. Tu sais, ils envoient des gamins de 10 ans, tu sais, avec des trucs en plastoc. Mais tu fais, mec. Bah, à un moment, on dirait vraiment un truc du Puy du Fou, quoi. C'est ça. Non, mais je te promets, hein. Et alors, là, c'est comme. C'est pareil, c'est aussi, ça s'est bien fait en termes de mise en scène. Là, en gros, les Gaulois, ils vont attaquer les Romains. Et il va y avoir zéro perte gauloise à l'écran. Ouais. C'est-à-dire que. Et en même temps, vu qu'il n'y a que deux acteurs déjà. Comme il y a un surnombre, on va voir que des plans où des Romains vont se faire transpercer. Je dis ça parce que la scène d'après, les Romains, ils vont prendre le dessus. On ne va pas voir un seul Romain mourir. Tu sais, genre, c'est toujours 2000 à 0. Quoi. Ouais. C'est tout rien. Là, c'est parce que. C'est des bons matchs. Hein. Il y a certains. Enfin, il y a une tribu de Gaulois qui s'est alliée à Vercingétorix. Et c'est pour ça que. Enfin, qui était censé être allié à César. Et justement. Bon, bref, on s'en fout. Tu parles comme un druide, Greg. Et alors là, César, il est vexé, il va revenir avec vraiment 100 000 manos, et là il va installer un siège, et là c'est pas la même limonade un siège, hein, parce que là il va falloir faire un vote à la boule blanche, ça c'est un vote motus, à l'époque ça s'appelait le vote motus, ils font un vote à la boule blanche. Mais c'est bien plus tard, ça c'est à la fin. Hein. D'un seul coup les Gaulois ont inventé la démocratie. Ouais mais on avance hein, quand même là. Hein. Mais... Et là, il y a une échappée de chevaux. Je ne sais pas pourquoi, ils ouvrent les portes de la ville et il y a plein de chevaux qui s'en vont. On est déjà à Lésia. C'est 4 batailles. On est à Lésia, ouais. Mais bon, c'est 4 batailles. Là, on est au 19e siècle, là. C'est à Lésia. Donc là, on invente le train à vapeur. Non, parce que pour le coup, là, toujours après les nanas, la victoire est tellement rapide que les nanas n'ont pas eu le temps de se rhabiller. C'est-à-dire qu'à la fin de la bataille, les nanas sont toujours seins nus. C'est quand même incroyable. Mais est-ce que vous, ça vous a quand même occupé pendant une partie de ce film? Parce que moi, j'en ai rien à foutre des nanas, genre avec leurs seins. Bon, en même temps, t'avais Vincent Moscato avec une moustache, quoi. Donc t'avais de quoi t'occuper quand même. Ouais. Moi, j'étais vraiment. Moi, le truc vraiment. Moi, le truc qui m'hypnotisait, c'est le front de Christophe Lambert. Il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où il touche le haut de l'écran. J'ai l'impression que ça continue encore. Je crois qu'il y avait des projections de drive-in qui étaient prévues sur son front pendant un petit moment. C'est ça. Ouais, il y a César qui prend les armes aussi pendant cette bataille. C'est-à-dire qu'il va vraiment sur le terrain et il sort son glaive, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là, César? Allez, est-ce qu'il fait quand, ça, Greg, quand Greg il fait des allusions, personne. C'est pas une allusion. Non, et, là, et pareil. Du coup, le plan. Bon, on s'est fait assiéger. On est un peu dans la merde parce que c'est un petit territoire. Et donc, on va vraiment vite crever de faim. On peut pas faire la bataille de front, sinon on va se faire éclater. Donc, Vercingétorix, là t'es sur Alésia, t'as sauté la fête, la petite fête là, avec les jongleurs et tout là. Ah, ah oui, j'ai pas mis ça, ouais. Parce que quand même, en fait, les peuples de Gaulle se réunifient à ce moment-là. Ouais, ils font la teuf. Et du coup, il y a la petite teuf avec les jongleurs, les violons. D'ailleurs, on sait pas pourquoi il y a des violons. C'est-à-dire que. Il y a un groupe de métal. On est à moins 40, mais il y a des violons. Non mais, je crois qu'il y a un truc. Il y a la musique des fêtes de Bayonne. Ils sont là, tada, tada. Et il rechoppe sa meuf, ça c'est super important. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il chope Epona. Ah, il a plus choisi. Il c'était un cheval, moi, d'ailleurs. Mais... Ah, c'est un cheval dans Zelda, je crois. Mais alors, oui, vous irez voir sur la page Wikipédia, il y a toute une section qui s'appelle Anachronisme et incohérence. Et c'est vraiment super méga long. J'en ai lu qu'une parce que je regardais le film. Mais apparemment, les casques à pointe avec des cornes, ouais, de cornes, machin, ouais. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein, est-ce qu'il y a un autre anachronisme aussi? C'est le fait que, parce que justement, avant Alésia, il va voir les Germains, là, il va se castagner un peu contre les Germains, et les Germains ont tous des teintures rouges. Est-ce que ça, c'est un anachronisme ou pas? Oui, non, tous, ça, et par contre, ça, il y a une vraie incohérence à un moment que j'ai vu, c'est dans la bataille de Vin, il y a un mec qui a des Air Max. Non, c'est vrai? Non. Si, je te jure. C'est vrai? Ouais. Mais pour les Germains, est-ce que Allociné a fait un faux raccord là-dessus Ah, je sais pas. De toute façon, si tu le fais avec ce film, il y en a un milliard. Hein. Là, il y a donc du coup, il est à Alésia. Est-ce qu'on fait Alésia tout de suite là? Bon, bah, y a Alésia, passons à Alésia. De toute façon, il se passe rien. Alors, Alésia. En gros, Alésia. Il est coincé dans Alésia. Il y a César qui est devant et qui va l'assiéger. Il a un milliard de manos pour le niquer. Et du coup, Vercingétorix, il fait bon, ok, ça va être chaud, va falloir que je la joue tight. L'idée, c'est de faire comme dans la planète des singes, je vais appeler tous les peuples à me rejoindre pour faire la bataille finale. Tu veux dire, dans Le Seigneur des Anneaux aussi? Oui, et aussi comme dans d'autres films. L'inspiration m'a manqué. Et là, à un moment, du coup, ils envoient des messagers et en fait, ils ouvrent les portes et il y a une genre 300 chevaux qui sortent d'Alésia. Et là, les chevaux passent tous devant César. C'est-à-dire que César est au milieu des chevaux. Quoi. Bah putain, ouais. Tu mets un mec sur un cheval, bam, il coupe César et c'est fini, quoi. Et enfin, on comprend dalle. Ouais. Mais et bon, bref. Et du coup, l'armée se fait attendre et les gens à l'intérieur d'Alésia commencent à douter de Vercingétorix. Doit-elle arriver? J'ai réussi à attraper un rat pour nourrir ces traîtres. On va leur couper les couilles et les bouffer. Si toutefois on les revoit un jour, ces misérables lâches. Ils viendront, crois-moi. Vercingétorix nous échappe encore. Les Gaulois ne mangent pas les chevaux. Ils les chassent. Ils n'ont plus de quoi les nourrir. Et lui, il restait. Il faut que nous attaquions. Tant qu'il nous reste encore des forces. Là, vous reconnaîtrez peut-être la voix du mec dans Last Action Hero, le boss de Bénédicte. Le gougnafier de Sicilien. Le gougnafier de Sicilien. Ensuite, c'est l'arrivée de tout le monde d'un seul coup. Alors ça, c'est exactement comme dans... C'est pour ça que je citais tout à l'heure Planète des Singes. C'est-à-dire que toutes les armées arrivent d'un seul coup et il n'y a personne. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Mais je l'ai pas vu en fait. Hein, non, donc, c'est pour ça. D'ailleurs, on sait pas trop comment ils communiquent avec l'extérieur vu qu'ils sont coincés à l'intérieur. Quoi. Mais non, mais il envoie des messagers. Mais comment il envoie des messagers s'il y a César autour? Bah, dans les chevaux qui sortent comme ça. Oh, tu fais hyper bien le cheval qui sort. Il y a plein de mecs qui sont planqués dans les chevaux. Surtout, la première question, c'est pourquoi ils arrivent tous en même temps. Et surtout, César, il a zéro messager. Il a personne qui lui a dit putain, je crois qu'il marche vers nous, quoi. Bah, je pense que si, vu qu'il gagne à la fin. Mais moi, je me suis posé une question. À un moment, on voit Christophe Lambert en train d'écrire. Est-ce que Christophe Lambert à cette époque-là s'est écrit bah, est-ce que Christophe Lambert tu veux dire en 2001 du coup. Est-ce que Christophe Lambert en 2001 non, mais en vrai Vercingétorix c'était un mec qui l'a bourré à la terre, je suis pas sûr qu'il sache écrire quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, j'en sais rien mais il écrivait super bien, j'ai lu quelques trucs de lui. Quelques poèmes, ouais, c'est beau. Hein. Mais c'est là où il dit à tout le monde surtout ne vous battez pas, surtout ne vous battez pas et c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein, très étonnamment. Alors, ouais, bah, attendez, parce que ça parler des chevaux aussi parce que justement dans l'extrait on entend que César dit les Gaulois ne mangent pas de chevaux, les gars sont en train de crever la dalle, ils vont peut-être faire une exception là. Oui, non, je sais pas, genre d'habitude on les bouffe pas mais là on va peut-être les bouffer. Là c'est vraiment important et alors il faut surtout pas attaquer parce qu'en fait il faut assiéger César lui-même parce que maintenant qu'il s'est fortifié et tout ça va être difficile. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que César a eu le temps en 2h15 je crois de construire une ville autour d'Alésia quoi, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Il y a ouais. Une bibliothèque municipale, enfin il y a parking souterrain. Bah lui c'est mis à l'aise hein, et puis il est là, il reste vraiment en premier plan. Tu verrais les termes, c'est magnifique. Ah non, du marbre comme ça à importer. Et alors, pendant que justement ils sont en train d'assiéger les Romains, Vercingétorix lui va faire un yatsé avec un seul dé avec un gamin. Donc, ouais. Cette scène-là, elle sort absolument nulle part, c'est extrêmement agaçant. Elle aurait pu faire partie des 20 minutes coupées, hein, celle-là, je crois. Enfin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'on voit des films avec du yatsé, du coup, avec The Visit, ouais. Avec Vercingétorix. Ouais. D'ailleurs, on se fait une petite partie là après. Bah, moi, j'aime beaucoup le yatsé. Ouais. Alors, ensuite, c'est la bataille, puisqu'il y a des crétins. Ah là là, ils sont vraiment cons, ces Gaulois. Il y a un mec, il va taper dans une trompette là. Taper c'est pas le bon mot. Ah oui c'est soufflé, oui je confonds toujours avec la batterie. C'est pour ça que j'ai loupé le conservatoire. Ah, j'ai essayé de souffler dans une grosse caisse, il ne se passait rien. Ah, vraiment nul ça là. Tu alors... parles comme un druide Antoine. Et alors là c'est la bataille puisque le mec il souffle un coup dans son trombone là et tout le monde se met à attaquer, genre tout le monde est suffisamment con pour le faire. Et pendant la bataille c'est trop marrant parce que César il est ultra serein. Et Vercingétorix, il marche hagard sans se battre. Ouais. Oui, c'est mec, vrai. Il va faire planter. C'est con, quoi. Tout le monde est mort autour de lui, ouais. Et lui, c'est le seul qui marche dans un ouais. c'est chaos, quoi. Sa mentoresse, elle est morte aussi, non? Ouais, c'est là qu'elle se fait. C'est après. Alors, j'aimerais vous dire qu'elle a un peu elle a vraiment une mort débile. C'est-à-dire que tout le monde est mort sur la plaine. Ouais, et eux, ils sont à 300 mètres. Elle est dos au fort, et là, elle se prend un javelot. Genre, mais le mec, il a gagné les Jeux Olympiques à Rome, quoi. C'est limite si j'arrivais. Vas-y, tu es incapable de shooter la meuf là-bas? Oh bien ouais c'était les snipers de l'époque. Non vas-y le tue pas parce que j'ai bien envie qu'il pose les armes. Mais vas-y nique la meuf là. Bien. Alors il y a un truc qui est marrant aussi quand on voit le champ de bataille après la bataille. En fait t'as tous les Gaulois qui ont une épée plantée. Donc le Romain faut savoir que quand il tue quelqu'un il laisse son épée. Il tue quelqu'un donc il fait bon bah c'est bon j'ai fini moi je vais rentrer. J'ai tué mon gars. C'est comme une abeille. Ça pique et après voilà c'est fini. Ça a été un vrai problème en termes d'économie. Hein. Ah bah oui. Beaucoup d'armes à fournir aux Romains. Hein. Et surtout au sol il n'y a que des cadavres de Gaulois puisque là c'est encore une fois c'est 2000 à 0, il y a aucune perte romaine. On a une fausse musique qui ressemble à celle de Gladiateur avec des chants un peu ouais. Et avec un peu méditerranéen là. Avec ça ressemble pas trop derrière. T'as fait du chant méditerranéen toi Antoine? Médiéval au conservatoire aussi. Et là il y a vraiment un truc puisque avant d'aller se rendre il a une dernière discussion avec Epona. Et cheval. Franchement, ça aurait pu. Mais moi, ça me pensait à Éponine. Donc il a un date avec sa brune et ils discutent et en gros, il lui dit ouais, voilà, je vais devoir faire face à mon destin, blablabla. En gros, il va aller faire son pédé. Et le truc, c'est que là, ils se font un petit baiser à 3 francs et je l'ai maté avec un pote. Et mon pote, il fait, non, mais attends, à l'époque des boucs des Gaulois, c'est des méga barbares. Le gars, il fait un truc limite, c'est du viol aujourd'hui, quoi. Tu vois. Jamais il lui fait le petit bisou, genre, allez, je vais me rendre. Trop pas assez. Toi, il lui met la dernière cartouche. Mais avant, je vais coucher les enfants. Toi, tu infliges les films 2 heures de perdu à tes potes. T'es un vrai ami, Antoine. Hein. C'est ouais, bah, faut pas attendre. Content, j'espère. Hein. Bah ouais, mais bon, lui, il veut qu'on regarde Smallville, alors j'ai dit, c'est donnant. Hein. Et alors après, donc il va voir César et il pose ses épées. D'abord, il fait un petit tour en cheval au début. J'ai cru qu'il allait faire. Allez, lève la patte. T'as vu ce que j'arrive à faire? C'est vrai qu'il passe derrière. Et en plus, personne ne se retourne. C'est-à-dire que César, vers Vercingétorix dans le dos, il se dit pas, il va peut-être me foutre un coup de glaive par derrière maintenant qu'il est derrière moi. Ah, puis après, il regarde devant. Le pire, c'est quand il descend de son cheval et qu'il fait son spectacle de claquettes. C'était une tradition à l'époque. Voilà, moi j'ai vraiment trouvé ce film terrible, mais vraiment terrible. Ouais, angoisse. Et alors juste, il y a une bonne nouvelle quand même. Pardon, c'est qu'il est plus dans le chapeau, quoi. Enfin, c'est vraiment la seule bonne nouvelle. Pour le coup, ouais. Petit point, on n'a pas trop parlé des perruques des Germains qui sont rouges. En fait, pour reconnaître un Allemand, il est roux. Hein, de toute façon, c'est clair. Il est tellement roux qu'il déteint. Mais moi, franchement, si j'étais prof d'histoire, je l'infligerais à mes élèves. Franchement, tu sais, genre, il y a des profs qui l'ont infligé. Monsieur, on va regarder Gladiateur. Ouais, on va presque regarder Gladiateur. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, vers Saint-Gétorix, on a 1743 commentaires 5 étoiles, évidemment. En fait, il y en a juste 30. Mais en fait, le problème des commentaires 5 étoiles de vers Saint-Gétorix, c'est qu'ils sont tous ironiques. Donc j'ai dû aller fouiller dans les 4 étoiles pour trouver des gens qui aimaient bien quand même, mais sans être ironique. Mais pourtant, moi j'ai vu que ce film, il avait une étoile sur Allociné. Comment il peut y avoir autant de commentaires 4 et 5 étoiles Alors, en fait, il n'y a pas beaucoup de commentaires 5 étoiles ni 4 étoiles. Il y a énormément de commentaires 0 étoiles, c'est ça ? Il y a beaucoup de commentaires 0 étoiles et il y a beaucoup de commentaires 5 étoiles qui sont en fait des commentaires 0 étoiles masqués, si tu veux. Est-ce que vous avez fait un pourcentage ? Parce que moi, ça m'intéresse. Attendez, parce que moi, j'ai les chiffres sous les yeux. Toutes les statistiques. Parce qu'il y a beaucoup de 4 étoiles, je ne suis pas convaincu. Non, mais parce que c'est super rare de voir un film qui est juste à une étoile sur Allociné, quoi. C'est très rare d'ailleurs, selon les pourcentages, c'est 8%. Il y a plus de chances qu'un singe tape aléatoirement la Bible sur une machine à écrire. Aléatoirement la Bible. Bah, il l'a tapé la Bible, mais aléatoirement. Non, juste la petite phrase, aléatoirement la Bible, c'est que quelques lettres. Alors on commence avec Le Lion 54, qui porte bien son nom. Alors lui, pour le coup, c'est un commentaire 5 étoiles qui dit « Un très bon film d'aventure, à la fois historique, qui plaira à toute la famille. Christophe Lambert joue très bien le rôle de Vercingétorix. Mm-hmm. Certaines scènes peuvent quand même être assez dures. » Bon, voilà. Comme toutes. Oui, c'est ça. Comme le glaive des Romains, j'ai envie de dire. Genre les 2 heures. Alors, Chadoubi. Oh putain, mais Julie, merde. Bah j'arrête mes commentaires. Moi, c'est bon. Non, mais tu arrêtes. Elle a eu ce qu'elle voulait. Allez, on arrête. Allez. Allez, voilà, à la semaine prochaine. Allez, on continue avec Chadoubi dans la bonne humeur qui nous dit un gros navet. Et en fait, oui, effectivement. Ouais, il a la tête sur les épaules, lui. Hein. Mais que c'est bon de voir une horreur comme cela. Les acteurs sont minables. Les batailles. Les batailles loufoques. Batailles... Comment t'as trouvé un Saint-Gétorix ? Oh, les batailles étaient loufoques. Et les acteurs minables. Les dialogues torchés. Le scénario trouvé dans une pochette surprise. Et la réalisation quasi inexistante. Le film est tellement raté qu'on rigole de toutes ses erreurs. Alloué entre amis autour de quelques boissons non gazeuses. Boissons non gazeuses. Ah, parce que moi, l'eau de Perrier, ça me donne des coliques. Boissons non gazeuses, je n'avais jamais entendu ce truc-là. Pour quelle raison ? Alors, samedi, vous êtes libre, j'organise une soirée avec boissons non gazeuses. On finit avec... J'ai que trois commentaires, d'ailleurs. Un commentaire 4 étoiles, pour le coup. Et on parle du fameux prof d'histoire. Effectivement, il y en a un qui l'a vu, Kernunos 77, qui nous dit « Ce n'est pas un grand film, il a le mérite d'exister. J'ai aimé ce film car c'est une des très rares fois que le cinéma aborde le sujet de nos ancêtres les Celtes. C'est quand même un film que nous pouvons qualifier d'historique. Ce n'est qu'un film, pas un documentaire. » Merci. Les costumes, les armes sont de bonnes reproductions de l'époque de l'Athènes finale. De même que la culture et la civilisation celtique ne sont pas trop mal représentées. C'est un bon film qui devrait être présenté aux jeunes dans les écoles. Bien entendu, il doit être suivi. L'école de ciné, ouais. Bien entendu, il doit être suivi d'un débat pour remettre l'histoire à sa place. Ah oui. Nos ancêtres celtes n'étaient pas des barbares incultes tels qu'ils sont présentés dans les manuels scolaires. Ils sont les inventeurs du savon et du matelas, que diable! Cette superbe civilisation mérite mieux que la différence où elle se trouve. Comme ethnologue et historien, je déplore cette situation. Se couper de ses racines, c'est perdre sa propre personnalité. De plus, affirmer haut et fort que les druides, si importants dans la civilisation celtique, ont totalement disparu est un non-sens, une falsification de l'histoire. Des preuves de l'existence et de la pérennité de la tradition des druides existent bel et bien, il suffit de les trouver. J'ai un peu débordé du sujet. mais continue, c'est intéressant. Mais pas par cela. Je sais que je vais un peu dénoter dans la partition générale. Cet homme parle comme un druide, 5 étoiles. Alors il faut savoir effectivement que les Celtes ont inventé le matelas, le savon et la dynamo. Et la multiprise. C'était notre avis sur Vercingétorix. On vous redis, conseille, redis pour voir. C'était notre avis et celui des autres sur Vercingétorix. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de G.I. Joe. En avant les Joes. Le Alors, réveil du cobra. Je prends la parole quelques secondes pour vous pouvez ajouter un film au sac poubelle / chapeau en nous donnant en nous offrant un commentaire 5 étoiles sur iTunes et proposer le nom de votre film. Vous serez peut-être tiré au sort. Et ensuite, Je tiens à signaler que le gagnant gagne un jambon. Hein, on lui envoie directement son domicile, hein, c'est la tradition. 2 heures de perdu va maintenant faire partie d'une radio. Ah bah vous le saviez même pas vous-même. C'est énergie. C'est énergie, ça y est. C'est Skyrock. Ça y est. Vas-y, c'est Skyrock. J'ai tout vendu à Radio Latino. Donc Mickaël sera remplacé par un espagnol. Voilà Mickaël Do. Une radio qui s'appelle Fréquence Moderne. Voilà, on n'avait pas acté vraiment le nom, puis du coup je l'ai acté tout seul. Voilà. C'est l'avantage de faire les choses seul. Mais pourquoi vous avez... moi je quitte le plateau, j'en ai marre. Et dans cette optique, nous avons fait une deuxième émission que je vous invite à aller écouter, découvrir et noter et nous faire vos retours. C'est intéressant, si vous ou non. Je vais aller écouter. Bah oui, bah moi aussi. Voilà, c'est une émission que je produis avec Greg. D'accord. Ouais, voilà. Et comment elle s'appelle cette émission? Elle s'appelle Sauf qui peut. D'accord. Voilà, et donc je vous invite à aller écouter Sauf qui peut et nous dire ce que vous en pensez et si vous aimez et à dire à vos amis de le faire et voilà, bah, à nous aussi on fait de la pub. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à nous proposer des films sur les commentaires 5 étoiles. Ah oui, et de Sauf qui peut, vous pouvez l'utiliser, comme ça ça fait plus de 5 étoiles pour nous. Eh ben on ira écouter. Alors, vas-y. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de G.I. Joe. On fera une soirée sans boisson gazeuse en écoutant. Allez, à la semaine prochaine sans boisson gazeuse.